Merci à vous qui venez de nous rejoindre dans ce journal. Voici tout de suite les titres. La Banque centrale va désormais acheter l'or des coopératives en dollars. Annonce faite ce vendredi par le gouverneur de cette banque lors de la présentation de la politique monétaire du deuxième trimestre de cette année, où il a indiqué que la dite banque est engagée à ramener l'inflation à 8% à court terme, vous l'entendrez. Et le ministre de l'Agriculture a annoncé que la deuxième campagne de collecte de la récolte de maïs par la NAGESA débutera ce lundi. Le ministre a souligné qu'elle ne concerne que les agriculteurs. Il s'est aussi exprimé sur ceux non encore payés lors de la précédente collecte, vous l'entendrez. Alors que le gouverneur Dongozi a déclaré ce jeudi que désormais tout cas de concubinage sera considéré comme un crime dans cette province, à Bubanza, 14 femmes ont été arrêtées depuis la semaine dernière en zone Mitakataka dans le cadre d'une campagne visant à décourager les mariages illégaux, la polygamie ou le concubinage ainsi que la prostitution. Voilà pour le sommaire. À la présentation d'Henri Bingabilé, Alphonse Koubimana assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. La Banque centrale dit être engagée à ramener l'inflation à 8% à court terme. Ce taux est de 16,5% au premier trimestre de cette année contre 22,3% au quatrième trimestre de 2023, a précisé ce vendredi le gouverneur de la BRB lors de la présentation de la politique monétaire au deuxième trimestre de cette année. Édouard Normand Bigenda-Kou a indiqué que le taux directeur reste fixé à 12%. Suivez-le. Les prévisions d'inflation au premier trimestre 2024 étaient de 15,2%, tandis que les réalisations ont été de 16,5%. Cet écart est dû aux fortes pressions sur le marché de change. Les prévisions d'inflation pour le deuxième trimestre 2024 montrent que, bien que le niveau des prix resterait élevé, l'inflation continuerait à baisser pour s'établir à 12,2% et se rapprocherait à l'objectif d'inflation de 8%. Au deuxième trimestre de 2025. Cette baisse serait attribuable à une diminution de l'inflation alimentaire et énergétique qui s'établirait à 8,6% et à 17,8% respectivement, sous l'hypothèse d'une demande modérée et d'une pression moins forte des prix extérieurs. Cependant, l'hypothèse de retour à l'objectif de l'inflation reste sujette à de risques importants, notamment les conflits géopolitiques qui pourraient s'accentuer, les tensions sur les prix internationaux des matières premières et énergétiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, le durcissement des conditions de financement à l'international, les pressions sur le taux de change et les aléas climatiques. Sur base de ces développements, le comité de politique monétaire considère que l'orientation actuelle de la politique monétaire contribue à ramener progressivement l'inflation autour de son objectif de 8% à moyen terme et est disposé à prendre les mesures qui s'imposent si les pressions inflationnistes persistent. À cet effet, la Banque de la République du Burundi décide ce qui suit. Maintenir le taux directeur à 12% dans la continuité de la politique monétaire prudente. Continuer à soutenir les activités productives, notamment le secteur agro-pastoral, à travers les refinancements. Et maintenir la période de constitution des réserves obligatoires à 15 jours et le coefficient à 5%. Et maintenir une communication transparente avec tous les acteurs économiques pour assurer la réussite des réformes en cours. Le gouverneur de la Banque centrale a en outre annoncé qu'il va désormais acheter l'or des coopératives en dollars. Il répondait aux inquiétudes de certains participants quant à l'exportation opaque de l'or. Mireille Kanyang. Au cours de cette présentation du rapport de la politique monétaire au premier trimestre de cette année et la déclaration de cette politique pour le second trimestre, certains des intervenants ont émis leurs inquiétudes face à la vente frauduleuse de l'or et les mineurs exploités dans les pays voisins. Denis Nshimirimana est de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, CFCIB. Les informations qui nous parviennent font état plutôt de l'or qui passe en contrebande vers les pays voisins. Et que d'ailleurs, que c'est ces recettes qui reviendraient alimenter le marché dit parallèle. Et est-ce qu'il ne faudrait pas évaluer cette question des minerais, spécialement l'or et les 3T, pour voir comparer le prix d'achat de ces minerais dans les pays voisins, si ces minerais coûte un peu plus cher dans les pays voisins, soyez sûr que ces minerais vont passer en contrebande. En réaction, Edouard Normand Bigendako, gouverneur de la Banque centrale, a annoncé l'achat de l'or en dollars pour notamment constituer des réserves en or. Désormais, on va payer pour les coopératives qui exploitent l'or. Ils peuvent vendre à la BRB et être payés en dollars ou en francs burundais comme ils le souhaitent. Et ça, ça va permettre à la Banque centrale de constituer un stock de réserves en or qu'elle peut vendre, avoir de devises, mais ça va aussi permettre d'injecter un peu de devises, surtout les dollars, dans l'économie. Lors de cette réunion, l'on a rappelé que la politique monétaire est pour le court terme et que l'inflation, les changements climatiques et l'endettement élevé ont été les principaux obstacles à la croissance économique pour la période faisant objet de rapport. Mireille Kanyang, je vous l'avais dit dans les titres, la deuxième campagne de collecte de la récolte du maïs au sein de la NAGESA va commencer ce lundi. Déclaration du ministère de l'Agriculture ce vendredi. Prosper Dodico, en charge de ce ministère, indique que la NAGESA a collecté plus de 36 000 tonnes de maïs lors de la première collecte. Le ministre de l'Agriculture fait savoir que cette campagne concerne les agriculteurs reconnus par l'administration locale. On l'écoute. Nous avons opéré la première campagne d'achat de maïs et nous avons obtenu plus de 36 000 tonnes. Et nous avons constaté que cette production a dépassé la capacité des petits hangars qui sont installés dans les communes. Et nous avons été obligés de procéder au désengrosement de ces hangars pour acheminer cette production vers les hangars des provinces qui sont dans les conditions contrôlées. Maintenant, nous sommes à la phase finale de désengorgement et nous informons les agriculteurs qu'une deuxième campagne d'achat est lancée et va commencer ce lundi le 3 juin 2024 à 8h pour se clôturer samedi le 15 juin 2024, soit deux semaines de campagne d'achat. Étant entendu que la NAGESA ne dispose pas des chiffres de toute la production qui reste dans les ménages, le ministère demande aux agriculteurs d'apporter les productions de maïs moyennant un récit après leur enregistrement dans un registre afin de permettre au gouvernement de savoir exactement les quantités et le montant correspondant à payer après la collecte. Le ministère rappelle encore une fois de plus que cet achat concerne uniquement les agriculteurs qui disposent d'une reconnaissance de l'administration locale, que le concerné est bel et bien l'agriculteur et non le commerçant. Celui qui sera surpris en train de vendre la production du maïs sans reconnaissance de l'administration locale sera considéré comme un fraudeur. Pour la bonne marche de cette campagne, nous demandons à l'administration et la police de prêter main forte à la NAGESA afin que cette deuxième campagne puisse arriver aux résultats escomptés. Concernant les agriculteurs non encore payés lors de la précédente collecte, Dodico Prosper affirme qu'il y en a encore, mais il tranquillise que cette deuxième collecte va commencer après avoir tout réglé. On l'écoute encore. Selon le rapport que nous avons de la NAGESA, jusque vendredi, il a été reporté que seuls quelques agriculteurs de certaines provinces restent à payer. Parce que souvenez-vous, après la réunion de son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui a ordonné le paiement rapide des agriculteurs, le ministre en charge des Finances a rapidement mobilisé le montant nécessaire pour payer la totalité du maïs collecté. Et le rapport que nous avons déjà montré est Holika qui sera utilisé pour la deuxième campagne. Et de cela, nous avons ordonné à ce que la deuxième campagne qui commence ce lundi puisse débuter après avoir payé la totalité des agriculteurs qui ont vendu leur maïs. Dans la suite de cette édition, certains habitants de Bujumbura Mairie apprécient différemment la décision prise par la police nationale interdisant de se garer sur les stations-service qui ne sont pas en train de servir du carburant. Certains indiquent que c'est une bonne chose pour le maintien de la sécurité, tandis que d'autres se plaignent qu'ils ne vont jamais avoir du carburant dans ces conditions. Ils demandent au gouvernement de trouver plutôt une solution à ce problème de pénurie de carburant. Depuis quelques temps, il s'observe des cas de vol de pièces de voiture. La fois passée, on m'a volé un rétroviseur étant sur la queue en attendant que je sois servi. Je soutiens cette décision car on peut passer une semaine ou deux sans avoir de carburant. Cette décision ne vient rien changer à propos des problèmes que nous avons dans le secteur du transport des biens et des personnes. Elle vient plutôt empirer la situation. Avant, on se rendait sur les stations et on y attendait qu'on soit servi. Il y a des personnes qui n'habitent pas tout près des stations et ils sont obligés de laisser les voitures pour qu'ils aillent vaquer à leurs occupations. Mais si les policiers ne les trouvent pas dedans, ils embarquent la voiture avec la dépanneuse. Donc, avec cette décision, ils n'ont pas trouvé la solution. Cette décision a été prise dans le but de diminuer certains problèmes qui s'observent dans les voiries. Mais ce qui nous crée des problèmes, c'est qu'on ne nous tient pas au courant lorsque les stations commencent à servir. Les responsables de ces stations appellent leur famille. C'est un problème pour nous d'avoir du carburant afin que nous ayons à manger. Je demanderai au gouvernement qu'il envisage comment trouver une solution à ce problème de carburant. Comme cela, tout sera réglé. La police burundaise a annoncé l'interdiction de garer les engins roulant devant les stations qui ne sont pas en train de servir du carburant dans une déclaration rendue publique ce jeudi, élue par le porte-parole de la police nationale du Burundi. Le colonel de police Désiré Nduimana a expliqué que cette mesure a été prise dans le but de faciliter la circulation routière. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganilo en ligne, c'est sur www.isanganilo.org. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook c'est Radio Télévision Isanganilo RTI et sur XCRT Isanganilo. Les provinces de Karusi et Muyinga ont un taux élevé des consommateurs de tabac. Beaucoup d'entre eux sont les jeunes âgés de 12 à 17 ans, selon le rapport du ministère de la Santé au Burundi. Cela a été soulevé ce vendredi par le directeur de l'association Psychologues sans vacances lors d'une conférence de presse. C'est au moment où le 31 mai, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre le tabac. Alain-Joseph Atungiman a fait savoir qu'au niveau mondial, plus de 8 millions meurent chaque année suite à la consommation du tabac et que beaucoup d'entre eux habitent dans les pays en voie de développement, y compris le Burundi. Si les décideurs politiques ne prennent pas des mesures, les générations actuelles et futures pourraient être confrontées à une nouvelle vague dévastatrice caractérisée par la consommation d'une multitude de produits du tabac et à base de nicotine, y compris de cigarettes, ainsi que par la dépendance à ces produits. Le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui n'arrêtent pas. Le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année, dont une estimation de 1,3 million de non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée du tabac. Sur 1,1 milliard de fumeurs dans le monde, 80% environ vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, y compris le Burundi. En 2022, 22,3% de la population mondiale consommait du tabac. 36,7% des hommes et 7,8% des femmes. Au Burundi, les données de l'enquête démographique de santé et d'Est de 2016-2017, qui est la seule source d'informations disponible jusqu'à présent sur la situation du tabagisme au Burundi, la province de Karusi a enregistré la proportion la plus élevée de femmes qui fument, 6%. Chez les hommes, la province de Muyinga a enregistré la proportion d'hommes fumeurs le plus élevé, soit 19%. La prévalence du tabagisme au Burundi est de 13,6% chez les hommes de 15 à 59 ans. Le directeur du lycée communal Mouléa en commune et province de Bururi, qui était dans les mains de la police depuis ce jeudi, a été libéré ce vendredi. À l'origine de son arrestation, l'indicatif du début du journal du médium Humura, entendu dans son téléphone en pleine réunion organisée au lycée de Bururi par le directeur provincial de l'éducation. Le commissaire provincial de la police à Bururi, Venant Barumbanze, s'était gardé de tout commentaire sur l'infraction commise. Zeno Nzambimane. Le directeur du lycée communal de Moréhe en zone Monini de la commune et province de Bururi avait été arrêté et conduit au cachot du commissariat provincial de la police à Bururi le matin de ce jeudi. À l'origine, c'est le son de l'indicatif du journal Humula qui a été entendu ce jeudi en pleine réunion du directeur provincial de l'éducation à Bururi avec les différents responsables dans ce secteur, selon les participants à cette réunion. Les mêmes sources disent qu'Antoine Sabiyumva, qui dirigeait cette réunion, a voulu savoir le propriétaire de son téléphone. Ainsi, la Kiluti manager s'est levé et s'est exprimé en disant que son son est sorti du Facebook qu'il consultait et qu'il a même essayé d'éteindre son téléphone mais sans succès car il était en panne. Les participants à cette réunion nous ont indiqué que le président de la séance a accusé dans la même salle le même directeur du lycée communal de Moulehe qu'il serait parmi les journalistes de Humula. Quelques minutes après, trois policiers se sont introduits dans la salle et ont directement conduit Germain Nakutimana, menotté au cachot du commissaire provincial de la police à Bururi. Mais il a été relâché aux environs de 11h30 de ce vendredi, selon les sources policières à Bururi. Certains des participants et les membres de sa famille avaient déploré son emprisonnement qu'ils jugeaient illégal. Selon eux, aucune infraction n'a été commise. Mais tous ont vivement salué sa libération. Depuis Bururi, Zeno Nzapimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno. Et en province Bubanza, plus de 20 personnes, dont 14 femmes, ont été arrêtées depuis la semaine dernière par la police en collaboration avec l'administration zone Mitakata. En commune Bubanza. Les autorités administratives expliquent que c'est une campagne visant à décourager les mariages illégaux, la polygamie ou le concubinage ainsi que la prostitution. Le Forum des femmes dans la localité apprécie cette initiative même si ces arrestations ont été opérées de façon non sélective. Spes Caritas Kabanyana. Une jeune femme de la colline Mitakataka en commune et province Bubanza qui a été mise au cachot avec son mari raconte ne pas comprendre pourquoi ce couple a été arrêté et taxé d'une amende administrative alors qu'il prévoyait régulariser le mariage à l'état civil. Les autres qui ont été arrêtés sont des couples qui ont des concubines ou des concubins ainsi que les femmes et les filles qui vivent seules et qui sont fréquentés par des hommes qui s'alternent dans ces maisons alors qu'ils ont d'autres femmes selon les administratifs à la base à Mitakataka. Jacques Nikwitegese, chef de zone Mitakataka, explique que cette campagne qui continue même aujourd'hui cible trois catégories de personnes, les filles et les femmes libres qui sont fréquentées par des hommes qui ont d'autres femmes, les couples illégaux et les polygames et concubins. Plus de 20 personnes, hommes et femmes, ont été arrêtées depuis la semaine passée selon cet administratif local, qui ajoute que ceux qui parviennent à payer une amende administrative sont relâchés. Au niveau du Forum des femmes en zone Mitakataka, on reconnaît que cette campagne était nécessaire d'un côté, mais de l'autre côté, il y a eu violation des droits de la femme, selon Marceline Bavogiri-Wihoreye, adjointe de la présidente du Forum national des femmes sur la colline Mitakataka. Merci Spes. Et le gouverneur de la province Ngozi déclare justement désormais comme crime tout cas de concubinage dans cette province. Dans un point de presse au jeudi, Désiré Minani a fait remarquer les effets négatifs de cette polygamie parmi lesquels l'augmentation des effectifs des enfants de la rue et autres. Il a également annoncé des solutions envisageables. Suivez Désiré Minani, gouverneur de la province Ngozi. Nous avons fait sortir 900 concubines dans toutes les communes de la province de Ngozi. Donc notre objectif a été atteint à plus ou moins 85%. Et nous avons 15% qui nous ont échappé. Tout objectif n'est pas susceptible d'être atteint à 100%. Mais nous allons donner des raisons qui ont fait que l'objectif ne soit pas atteint à 100%. Nous avons eu également 3600 enfants affectés par le concubinage à Ngozi et par la polygamie. Et ces enfants ont passé et que c'était des enfants qui allaient manquer de famille d'accueil. Et nous avons trouvé plutôt le contraire. Nous avons trouvé que c'était des enfants qui sont nés de cette polygamie et que les parents ne s'occupent plus d'eux, n'ont pas eu de moyens pour s'occuper correctement d'eux. Et ils se retrouvent en situation de rue. Ils ne sont pas sur le banc de l'école. Et nous sommes en train de conjuguer les efforts avec les partenaires techniques et financiers de la province pour essayer de collecter les moyens nécessaires à faire scolariser de 3600 enfants qui risquent d'être une bombe à retardement si rien n'est fait. Parmi les actions prioritaires, ils sont au nombre de trois. La première action, c'est la formation des concubines et des époux et mères légaux. Donc chacun a ce qui le concerne pour la communication et non verbale, et également pour que chacun prenne ses responsabilités envers la situation dans laquelle il se trouve. La deuxième action, c'est la scolarisation des enfants affectés, comme je viens de le dire, qui va coûter énormément cher parce que 3600 enfants non scolarisés, c'est une grande charge pour la communauté. Nous déclarons également, donc, comme crime, il y a la polygamie dans la province de Ngozi. Désormais, quelqu'un qui sera attrapé en situation de polygamie sera puni avec toute la lourdeur de la loi, que ce soit le code pénal, que ce soit le code des personnes et de la famille. Désiré Minani, les gouverneurs de la province Ngozi. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle à la présentation d'Henri Bingabide. Alphonse Koubouma a assuré la mise en onde. Bonne fin de soirée et de mois de mai aussi. Au revoir. Oh.